Bonjour Tiffen, et de notre côté, nous terminons notre semaine consacrée à Paul Verlaine à l'occasion du Printemps des Poètes. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Verlaine est mort en 1896 à l'âge de 51 ans, au terme d'une vie en enfer, comme on pourrait qualifier l'existence de ce génie de la sensibilité. L'enfer, ce fut celui de l'alcool, de la mauvaise santé, mais également de la passion amoureuse, de l'errance, de la perte et du manque. Car Verlaine est né sous le signe de Saturne et cela lui a valu une bonne part de malheur et une bonne part de bile, comme il l'anticipait lui-même dans l'introduction à son premier recueil, Les Poèmes Saturniens. Verlaine, on l'oublie parfois, a été père et aussi mari, même si son fils véritable, il ne le connaîtra pas, et que son véritable fils fut peut-être Lucien Lestinois, l'autre amant qui a compté après Rimbaud. Rimbaud, justement, il doit en partie à Verlaine sa grande postérité. De ces deux-là et de leurs œuvres entremêlées, nous avons parlé mardi au cours d'une émission avec Henri Seppi. Enfin, hier, avec Myriam Robic, nous sommes revenus sur le thème de l'homosexualité tant masculine que féminine dans l'œuvre du poète. Toutes ces émissions sont bien évidemment à retrouver en podcast. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour l'écouter parler de l'un de ses poètes favoris, nous sommes avec Guy Goffette, auteur de Verlaine, d'Ardoise et de Pluie, publié en 1996 dans la collection L'un et l'autre des éditions Gallimard et réédité depuis en folio. On lui doit aussi la préface du livre Paul Verlaine de Stefan Zweig, republié au Castor Astral, et puis d'autres livres encore sur Verlaine. On commence cette émission avec un témoignage, celui d'une femme éperdue d'amour pour les poètes de Verlaine, l'actrice Marguerite Moreno. Écoutez. À vous dire la vérité, quand j'avais 15 ans et demi, j'en étais follement amoureuse. Je lisais ses vers en cachette. Parce que chez nous, dans ma famille, Verlaine n'était pas en odeur de sainteté. Alors j'avais une bougie. Et dès que je sentais que la maison était endormie, j'allumais ma bougie et je lisais mon poète bien-aimé. Le pauvre Lélian, comme il s'appelait lui-même. Et je me le représentais adorablement beau, avec de longs cheveux bouclés qui tombaient sur un col rabattu, une petite barbe frisée, toute dorée, des yeux bleus magnifiques qui lui faisaient le tour de la tête, une petite bouche rose et le teint pâli d'un homme malade d'amour. Vous pensez, c'était mon idéal? Enfin, je mourrais d'envie de voir mon poète. Nous sommes allés, mon frère et moi, jusqu'au café Procope, à pied. Et j'ai ouvert la porte. Et j'ai cherché mon pauvre Lélian. Quelle déception. J'ai vu, au lieu de l'ange d'amour que j'imaginais, un vieux mongol, avec une barbe qui lui sortait n'importe comment, un front bombé, des yeux enfoncés, la porte au fond du corridor, en face. Et puis un pauvre petit nez très vilain. Et, faut-il le dire, un habit très sale. Eh bien, de ce tas de ripaux, qui était là trônant, entouré de la fumée des pipes, de ses admirateurs comme un dieu mexicain, dans la fumée des calumets, de ce tas de haillons, de cet homme vraiment laid et peu soigné, il sortait de temps en temps un rire d'argent, un rire d'enfant, un rire puéril et frais comme une fleur. Bonjour Guy Goffette. Bonjour. Je vois que cette archive vous réjouit au plus haut point. Oui. Je la connaissais, je l'avais déjà entendue, mais ça me réjouit toujours d'entendre Moreno. Voilà. Que ce soit Macorlan ou sur Verlaine. On peut rire un peu sur Verlaine, on a le droit. Oui. Je sais pas, je ne me fais pas le même portrait qu'elle. Je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas connue. Mais certains qui l'ont vu, qui l'ont rencontré, le trouvaient quand même charmant. Il y a quelque chose de... Il y a en tout cas quelque chose de très juste. En fait, c'est ce rire d'enfant. Exactement. Chez Verlaine. Mais tout le monde parle du côté sublime et du côté répugnant. Enfin, après peut-être que c'est une appréciation qui s'est fossilisée de témoignage en témoignage, mais c'est vrai que ça revient quand même très souvent. Oui. Moi, je sais pas, j'ai pas la même vue de Verlaine. Un jour, j'ai vu son masque mortuaire. Et bon, naturellement, je n'ai pas vu le côté mongoloïde, le côté des pommettes exagérées. Le front immense. Le front bombé, comme elle dit, immense. Bon, je sais pas, c'est peut-être mon admiration qui me le transforme en beau jeune homme. Et Stefan Zweig, alors, comment le voyait-il, puisque vous avez donc préfacé la reparution de son livre sur Verlaine, un livre qui datait de 1905, donc 10 ans après la mort du poète. Qu'est-ce qu'il en disait? Mais c'est un livre de jeune homme, de jeune homme qui écrit de loin sur Verlaine. C'est un admirateur qui écrit. C'est un admirateur. C'est un jeune homme, et je pense que c'est pas un bon Zweig. Voilà. C'est pas un bon Zweig, c'est une... Moi, je l'ai pas apprécié hautement, ce texte. Bon, alors on lira la préface, voilà. Mais c'est pas la peine de lire le livre. Il avait traduit, je le dis au passage, quand même à 18 ans, les confessions de Verlaine, parce qu'on aime Verlaine quand on est un jeune homme. Enfin, sauf vous l'avez découvert plus tard. Moi, je l'ai découvert tardivement, oui. Oui. Pendant longtemps, je l'ai détesté pour d'autres raisons. Ah, pour quelles raisons? Mais comme je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle L'autre Verlaine, oui. J'avais 10 ans, je croyais être un bon footballeur, un bon gardien de but, et est arrivé en classe au milieu d'année un garçon qui venait des Ardennes, du fin fond des Ardennes, et qui s'appelait Verlaine, et qui s'est révélé, ou qui m'a révélé pitoyable. Oh, pitoyable, comme vous dites, les 3 buts, c'est pas beaucoup. Non, 3 buts et les autres. Mais je suis devenu la risée de toutes les filles qui nous acclamaient le jeudi après-midi. Voilà, donc c'est une rencontre de football ratée avec Verlaine, avec donc l'autre ça a été Verlaine. Raté. Mais il est vrai que quand on m'a présenté, comme ça se faisait toujours quand on est entré dans le secondaire, Rimbaud et Verlaine, tout de suite, j'ai adhéré à Rimbaud. D'autant plus que j'ai été dans une école de frères, une école catholique, et il me plaisait beaucoup de leur d'apprendre par cœur. Les poèmes de Verlaine plutôt, de Rimbaud plutôt que ceux de Verlaine, voilà. Alors bon, il y a eu cette histoire évidemment avec ce Verlaine footballeur, oui. Mais il y a eu d'autres déceptions, disons, avant même de connaître Verlaine. Vous avez eu beaucoup de mal à l'aimer, mais vous avez quand même frôlé à plusieurs moments ce nom et ce personnage. On peut peut-être raconter, par exemple, un accident de voiture que vous avez eu. Oui. En fait, c'est un concours de circonstances qui fait que, vous savez, quand ça se répète plusieurs fois, on se dit, pourquoi est-ce que je rencontre 3 fois ce personnage, Verlaine, donc j'étais au Québec et c'est là-bas que tout m'a manqué et que tout vous manque. Et en même temps que vous avez tout, parce que le Québec, c'est quand même... Vous savez, nos couleurs principales sont le bleu et le vert dans nos pays. Et vous êtes au Québec pendant ce qu'on appelle l'été indien. Et c'est tout différent. Vous y trouvez toutes les couleurs. Il y a autre chose. Et quelque chose me manquait. Quelque chose me manquait aussi dans la langue. On sait que la prononciation québécoise n'est pas la prononciation française. Et j'avais besoin d'une certaine musique. Et la musique, je l'ai entendue, enfin, elle m'a été donnée par la musique d'ailleurs, par un chanteur que tout le monde connaît, qui est Léo Ferré, qui a mis Verlaine en musique de façon admirable, à mon sens. Et je suis rentré chez moi, en Belgique. Et j'étais accompagné par une Québécoise qui allait à Luxembourg, etc. Et nous sommes partis en voiture. Je me trouvais donc à la place du mort. Et nous avons fait, nos conversations étaient tellement emballées que nous avons fait une embardée. Oui. Et ce qui est quand même un signe du destin, ma portière était bloquée, donc par un écriteau. Un écriteau, et je suis sorti de l'autre côté, et j'ai lu l'écriteau, c'était Verlaine, je crois que c'était 300 mètres ou 1300 mètres, je ne me souviens plus, oui. Mais c'était Verlaine, c'est-à-dire le village de Verlaine. Et c'est pas là encore que vous avez réussi finalement à aimer Verlaine, parce que ce footballeur, vous avez vraiment tellement martyrisé, tellement traumatisé, qu'il vous a fallu encore d'autres expériences pour finalement découvrir Verlaine. Et c'est de celui-là dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Sur France Culture. Alors, trois fois, donc, vous avez frôlé Verlaine. Ça rappelle un petit peu l'histoire des trois bocaux, les trois bocaux de la mer de Verlaine. Vous en parlez beaucoup. C'est une histoire qui vous obsède un petit peu. On l'a déjà un peu évoqué au début de cette semaine, mais il faut sans doute en reparler avec vous. Qu'est-ce que c'est que ces trois bocaux? Écoutez, vous savez, j'ai écrit un livre... Un livre, non pas de spécialiste, mais de grand amateur, d'amoureux de Verlaine, comme Moreno. Oui. Et j'avais besoin d'une structure. Une structure qui... J'ai commencé par la mort de Verlaine. Verlaine par terre, sur le sol. Et j'ai imaginé... Pourquoi vous avez commencé par là? Ah, pourquoi? Vous savez, j'avais commencé autrement d'abord. Hein. Vous savez, un manuscrit, ça prend quelque temps quand même. Je ne sais pas, parce que ça m'avait frappé. Verlaine dit quelque part lui-même qu'il a la préscience ou le pressentiment de mourir, le front contre la terre. Voilà, donc ça m'avait frappé cette histoire. À 52 ans d'ailleurs, il parle de la cinquantaine et c'est ce qui va se passer pour lui. Et donc, tout est parti de là. J'avais des trois bocaux, ces fameux trois bocaux, ces donc, trois enfants mort-nés. Les trois fœtus voilà. De la mère. Puis en plus, il les appelait les bocals, comme vous savez, Verlaine aimait jouer, aimait parler patois. Or, il mélangeait un peu le patois ardennais de son père et le patois de Fampoux, le patois à Rajoie, je crois. Je sais pas, la région de Fampoux, en tout cas, de sa mère. En tout cas, les bocaux, il y en a beaucoup chez vous, parce que après l'histoire du footballeur qui vous met trois buts, vous êtes le chiffre 3 allez, est quand même un chiffre symbolique. Vous consoler chez votre grand-mère pour faire des bocaux de confiture. Oui, oui. Il y a encore d'autres choses à savoir sur votre rapport au bocal? Non, je trouve que cette histoire des bocals m'introduisait trois personnages, et les trois personnages auxquels il peut penser, et qui sont naturellement Arthur Rimbaud, le premier, non, Elisa, la première, Elisa Moncomble, sa cousine, qui meurt très jeune, qui meurt très jeune, et qui est une catastrophe pour Verlaine. Verlaine était très amoureux de sa cousine, qui avait 8 ans de plus, je crois, que lui, et qui l'a quand même promenée sur les... là-bas à Metz, écouter la musique militaire, ce qui a dû former son oreille, peut-être. Enfin, on peut l'imaginer. Et puis Rimbaud, donc, serait dans un deuxième bocal. Et puis Lucien. Alors, Lucien Lettinois. Oui. Voilà. Il faudra raconter un petit peu qui c'est Lucien Lettinois, parce que c'est vrai qu'on l'a un peu oublié dans l'histoire. Il est important, selon vous, quand même? Il est une importance secondaire. Il arrive à un moment où Verlaine, on a privé Verlaine de son fils, puisque Mathilde Mottet a demandé le divorce, elle l'a obtenu et elle obtient la garde de l'enfant. Verlaine donc est privé de son fils. Et je crois qu'il trouve parmi ses élèves, puisqu'il enseigne à ce moment-là, il trouve Un garçon qui ne bride pas, je crois, par son intelligence, et dont il... Tombe amoureux. Oh, tombe amoureux, je sais pas. On va vite en affaire, là. C'est pas Rimbaud, hein, ça c'est sûr. Mais enfin, ce garçon, il l'aime beaucoup. Et il va l'emmener d'ailleurs en Angleterre. Et puis il va lui acheter, avec l'argent de sa mère, une ferme. Et donc tous les deux vont se mettre à cultiver la terre. Oui, vous imaginez Verlaine se mettant à cultiver la terre. Enfin bon. Oui. Il y a un très beau poème de Verlaine, justement, sur Lucien Lettinois. Parce que Lucien meurt très jeune. Et il en parle comme en de son enfant, fils. Sa voix, dans le bois de Boulogne. C'est magnifique. Vous les connaissez par cœur, tous ces poèmes? Non. J'ai connu jusqu'à 350 poèmes de Verlaine. 352, effectivement, poèmes de Verlaine par cœur. Mais je dois dire qu'avec l'âge et la non-répétition des textes, certains poèmes disparaissent. Vous avez encore quelques vers en tête hein, qui vous reviennent de temps en temps? Lesquels? Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée, que le froid du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée rêve des chers instants qui la délaceront, etc. Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne faisait voler la grive à travers l'air atone, et le soleil dardait un rayon monotone sur le bois jaunissant où la bise détonne. Nous étions seuls à seuls et marchions en rêvant, elle et moi, les cheveux et la pensée au vent. Soudain, tournant vers moi son regard émouvant, quel fut ton plus beau jour, fit sa voix d'or vivant. Sa voix douce et sonore au frais timbre angélique. Un sourire discret lui donna la réplique et je baisai sa main blanche dévotement. Ah, les premières fleurs, qu'elles sont parfumées et qu'il bruit avec un murmure charmant le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées. La compagnie des auteurs sur France Culture et ce poème Nevermore, extrait des poèmes saturniens, lui ici par Jean Negroni. Alors vous l'avez découvert comme les autres, Guy Goffet, ce poème, en 1991. Vous étiez en vadrouille, comme vous l'avez beaucoup fait, en Amérique du Nord. Vous étiez même comme en exil là-bas et oubliant ces blessures d'enfance sur le terrain de football, vous vous étiez mis à ouvrir des recueils de poèmes de Verlaine. Et pendant 4 jours, expliquez-vous, vous êtes resté enfermé à lire ces textes-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je crois que ça a été jour et nuit. Ben, je suis allé à la bibliothèque de Trois-Rivières, puisque ça se passait à Trois-Rivières, où il y a un festival de poésie qui se fait tous les ans. Mais moi, j'étais resté là pour... Et je suis allé chercher Verlaine et on m'a donné la Pléiade, l'œuvre poétique complète. Et j'ai lu ça. J'étais ébloui, je suis rentré immédiatement. Et j'ai interrompu mon séjour. Qu'est-ce qui change à ce moment-là en vous? Qu'est-ce que cette poésie, parce que ça va devenir une de vos grandes références en tant que poète, donc il y a un déclic qui se fait quand même. Ouais. C'était la musique que mon oreille attendait. Voilà. Donc c'est plus la musique que ce qui est raconté, que ce que dit. Mais ce qui est raconté dans un poème n'a pas beaucoup d'importance. Oui, mais ça existe quand même. Ça existe, bien sûr. Vous savez, c'est pas des anecdotes, un poème. C'est d'ailleurs certaines personnes contestent le fait que ces poèmes sont écrits comme ça, à partir de sa vie, à partir de ce qu'il ressent. Certains y voient autre chose, absolument. Pas du tout. Verlaine écrit ce qu'il ressent. Or, vous savez qu'il est amoureux de sa cousine, on l'a dit. Et ce sont des poèmes, tous les poèmes des Saturniens sont des poèmes qui seront d'ailleurs publiés aux frais de sa cousine. Mais celle qui va lui offrir ça. Elle va lui offrir ça, et ce sont des poèmes d'amour. C'est pour ça que son histoire, quand elle meurt, Verlaine est catastrophé. Verlaine va... Il arrive trop tard, en plus. Ouais, il arrive trop tard à l'enterrer. Il arrive trop tard, il va se saouler mémorablement. Et vous, vous n'arrivez pas trop tard, enfin, un petit peu quand même, mais vous voulez rattraper tout le temps perdu. Et non, il arrivait à point pour moi. J'ai aimé Rimbaud, absolument, vraiment. Il vous a caché un peu Verlaine, peut-être aussi. Il a fait de l'ombre, comme il fait de l'ombre encore aujourd'hui. À Rimbaud, à Verlaine. On oublie souvent que Verlaine a écrit son premier poème et qu'il l'envoie à Victor Hugo. Il l'a écrit à 14 ans. Quand on parle de précocité pour Rimbaud, simplement Rimbaud, lui, l'a arrêté tout. Verlaine a continué. Il n'aurait pas dû. Et on ne sait pas ce que ça serait devenu, vous savez. Et alors, voilà. Après cette découverte, du coup, à Trois-Rivières, vous avez décidé, puisque vous êtes un marcheur aussi, d'aller vous promener sur les traces de Verlaine. Et là, vous avez pris un peu votre bâton de pèlerin, parce qu'il faut filer aussi la métaphore religieuse avec Verlaine. Oui, ben oui, je suis allé en pèlerinage, si vous voulez, mais je connaissais pas du tout les lieux, etc. Donc il a fallu que je les retrouve. Voilà, son arrivée à Paris, etc. Comment d'abord les ancêtres, ou les aïeuls, dirons-nous. Alors, il y avait un grand-père, qui est mort à cause de la boisson. Oui, il est mort d'une boisson. Mais voilà. Quelle boisson? Il a été tué. Il était en prison pour avoir insulté l'empereur, etc. à l'époque. Et il se retrouve en prison, à Luxembourg. Hein, et là, on va lui donner de la verveine. Il en donne beaucoup. Et vous savez, pour un grand buveur, un grand ivrogne comme ça. Enfin, moi, je me suis permis de dire les choses comme ça. J'ai appris tout à coup que verveine et verlaine, dans le patois de Liège, verveine, c'est verlaine, ça se dit verlaine. Donc il est mort d'un abus de verlaine, il est mort d'un abus de verveine. C'était amusant, mais ça c'est bon. Voilà. Donc vous avez marché pendant 3 ans en compagnie de Verlaine, marché ses routes et ses déroutes, je vous cite, marché ses vers, un à un, sur les chemins qu'il avait marché. Oui. Et au fond, ça vous a fait découvrir, dites-vous, le paradis. Je continue à filer la métaphore religieuse. Et vous avez trouvé que finalement, le paradis, pour Verlaine, c'était un jardin. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre Verlaine et ce jardin paradisiaque que vous avez découvert? Bien d'abord, je vais partir de la marche. Vous savez, de la même manière qu'on écrit les poèmes en marchant, que Verlaine les a écrits en marchant, de la même manière, on les apprend en marchant. Je les ai appris sur le même rythme, je crois. Tels qu'ils sont écrits. Verlaine, dès qu'il s'asseyait dans un bistrot, au cours de sa marche, c'était terminé pour lui, pour la journée. Il écrivait avant de recevoir son premier boc ou sa première absinthe. Voilà. Comment on aboutit à un jardin, mais le poème... je sais pas, il y a l'enfance qui intervient là-dedans, dans le jardin. C'est le jardin d'enfant. C'est le jardin d'enfance. Verlaine, vous savez qu'il revenait toujours sur les traces de son père. Il revenait à Palisol, dans cette région ardennaise où vivaient ses tantes. Il revenait dans l'herbe. Il aimait l'herbe. Regardez, comptez la récurrence du mot herbe dans ses poèmes ou du mot... Des vers de campagne, Mallarmé, ils sont nombreux. D'ailleurs, un vers, vous l'avez en tête. Verlaine, il est parmi l'herbe. Verlaine, voilà, c'est quelque chose comme ça. Oui, certain que c'était pas lui qui a été citadin toute sa vie. C'était pas du tout un citadin dans sa tête. C'est un enfant dans l'herbe. Nature, rien de toi ne m'émeut. ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des champs, des vers, des temples grecs et des tours en spirale qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales. Et je vois du même œil les bons et les méchants. Je ne crois pas en Dieu. J'abjure et je renie toute pensée, et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parlât plus. Lasse de vivre, ayant peur de mourir, pareil aux briques perdues jouées du flux et du reflux, mon âme pour d'affreux naufrages apparaît. La compagnie des auteurs sur France Culture, L'Angoisse, poème extrait toujours du recueil des poèmes saturniens élus par Jean Negroni. Il y a la nature, et puis il y a aussi Dieu. Je ne crois pas en Dieu, dit Verlaine, mais c'est vrai que c'est son premier recueil, il date d'avant sa conversion. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans la foi de Verlaine ? Et encore une fois, je crois que je l'ai intitulé « La foi d'un enfant de cœur ». Cœur, C-O-E-U-R. C'est la foi d'un enfant. C'est quoi la foi d'un enfant ? C'est un peu... Mais je suis c'est un peu parti de moi-même. Un peu. Qu'est-ce qui me reste de la foi de mon enfance ? De ma foi d'enfance ? Il me reste les messes de minuit, les lumières, les parfums, partir dans la neige. Verlaine était attaché aux petites choses comme ça, à tout ce qui brillait. Il vous reste souvenirs de pension et souvenirs de pension sur les souvenirs d'enfer. Non, sur les souvenirs d'enfer plutôt, les pensions. Je n'ai pas de souvenirs, c'est le contraire, ça vous abat la foi. Mais ça vous abat la foi, c'est l'inverse. On ne va pas revenir sur tout ce qui se passe actuellement, mais moi j'ai vécu comme pensionnaire dans les institutions religieuses pendant. Mais là vous en sortez, vous croyez plus. Oui. Donc c'est pas ça, c'est la foi d'enfance, c'est le goût des lumières, des parfums, de l'encens. C'est le décor de l'église. De la beauté, des chants. Je crois que Verlaine a toujours aimé ça, c'est en lui. Et puis, bien sûr, il est de bon ton de dire « je ne crois pas en Dieu », etc. Or, il va se retrouver en prison à Mons, comme vous savez. Et là, tout à coup, il est seul, c'est fini, Rimbaud est parti, sa femme l'a quitté, et il ne voit plus son enfant, il n'a plus que sa mère qui peut le voir, il est seul. On lui donne le catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume, donc il y a plusieurs tomes. Il les entasse et il regarde le ciel et par-dessus le toit, si bleu, si calme. Et la foi. Et là, il s'aperçoit. Verlaine, c'est l'homme du remords. C'est l'homme du remords. C'est pas l'homme du regret, c'est l'homme du remords. Du remords de quoi ? Du remords de la peine qu'il a faite. Et d'ailleurs, il y a un poème où il parle de ce qu'il a fait à sa mère. Il dit, moi, j'avais quand même une mère, des parents qui m'aiment, etc. Je ne connais plus le vers, mais c'est dans sagesse. Et tout à coup, il retrouve la foi. Quand on est seul, quand on est perdu, etc., ou quand on se trouve dans une situation désespérée, ou désespérée pour lui, qui est enfermé tout à coup, lui, l'errant, le voilà enfermé. Il revient à la foi, quelle foi ? Une foi d'enfance, mais après, qui est pas solide, mais qui est quand même en lui, profonde. Et je prends ces simples vers, écoutez la chanson bien douce, mais quand il dit, elle dit l'avoir reconnue, bon, on sait qui c'est, Elisa, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue, quand il dit... dans « Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse ?»« Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse ?» C'est quand même quelqu'un qui revient sur ce qu'il a fait, le mal qu'il a pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie ? Je n'ai fait que des erreurs. On va continuer à en parler avec vous, Guy Goffet. Mais pour l'heure, c'est le moment d'accueillir un autre point de vue sur Verlaine avec la chronique de Pierre Claude. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Pierre Claude, professeur de littérature française à l'Université Paris 4 et habitué de la compagnie. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. Vous venez de nous donner donc votre point de vue sur Verlaine. Verlaine qu'il faut, pensez-vous, lire en se défaisant d'un certain nombre de clichés à son sujet. Oui, il me semble, quand on regarde le cas Verlaine, que rarement la vie d'un écrivain aura pris autant de place dans la critique et d'une certaine manière rejaillit sur l'appréciation de son œuvre. On a affaire donc à un cas limite. Et dans ce cas, il me semble que le prisme biographique, qui comme tous les prismes est déformant et restrictif, finit par une sorte d'effet d'accumulation, par faire écran et par mettre toute son épaisseur entre nous et l'œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas de l'autobiographie quand même aussi chez Verlaine ? Bien sûr, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut parfois l'oublier pour toucher au cœur de l'œuvre. Or, justement, il me semble que la passion biographique que Verlaine suscite, et qui est une passion double, parce que Rimbaud est pris dans le circuit, introduit toute une série de jugements de valeur, qui sont des jugements qui peuvent être moraux, qui peuvent être esthétiques, qui finissent par, d'une certaine manière, détourner le regard de l'œuvre. Quel jugement esthétique, par exemple ? Bon, c'est bien simple. Le mythe rimbaldien, parce que c'est un mythe, dans le cas de Rimbaud, chacun a sa légende. Et on a vu Marguerite Moreno, Guy Goffet, d'une certaine manière, nous a donné son Verlaine, que je trouve d'ailleurs très, très juste, je dois le dire, et avec lequel je suis en sympathie. Yes. Mais enfin, Rimbaud, c'est le prodige, c'est le génie précoce de la littérature. C'est le voyant qui a poussé ses expérimentations poétiques à leur extrême limite. Et il devient la mesure avec laquelle on jauge l'œuvre de Verlaine. Alors évidemment, Verlaine est en deçà, dit-on. Il est à la traîne. Et puis après, il a continué, lui. Et on parle, j'ai lu sous certaines plumes cette formule, de déchéance pathétique. Mmh. Hein? Alors que ça n'est pas vrai. Jusqu'à la fin, il y a des vers de Verlaine qui sont extraordinaires, d'une réussite absolue. Et puis, il y a la légende du pauvre Lélian lui-même. Alors là, bon, on en a vu un certain nombre d'éléments. Le poète disgracié au visage d'orang-outan, le soulographe aux pulsions homicides, le faune homosexuel converti aux bondieuseries douteuses, puis le communard retourné en anti-républicain autoritaire. Alors évidemment, on voit bien... Toutes choses qui existent par ailleurs. Mais tout cela existe, à ceci près que cela ne doit pas nous conduire à dire donc l'œuvre est ceci et cela, en particulier elle a des faiblesses, elle est ratée, et peut-être à finalement la regarder un peu de haut, sans comprendre sa logique propre. Donc on ne peut pas le réduire à la figure du poète maudit. Comment faudrait-il le lire, Pierre ? Eh bien, je propose de partir de ce que Mallarmé disait sur la tombe de Verlaine. Il proposait de rompre avec cette image du bohème dévoyé ou du poète valétudinaire. Et il disait qu'on se trompe en s'arrêtant à ce qu'il appelle le sens extérieur. Le sens extérieur, du poète déchu, et auquel il oppose cette tenue au contraire qui fut toute, entre toutes, correcte. Donc le mot, il avait le sens de la langue, Mallarmé, les mots, fussent les mots anglais, il avait le sens des mots. Et quand il dit que Verlaine est un poète correct... Mais correct envers quoi, envers qui ? Mais parce que ça s'oppose à l'idée de poète débraillé. Et correct parce que je pense que Mallarmé veut renvoyer au prince des poètes, c'est-à-dire au poète savant, au poète ingénieux, au poète raffiné, virtuose de la prosodie française, qu'il a renouvelé, qu'il a assoupli, qu'il a libéré des grandes machines romantiques, mais qu'il a conservé. C'est Valéry qui disait aussi, cette formule que je trouve très très belle, et juste, que Verlaine était un primitif organisé. Or, si vous voulez, la critique insiste beaucoup sur le côté primitif, la bête. Mais moi, je voudrais qu'on insiste plutôt sur le côté organisé. Vous iriez jusqu'à dire le côté vaguement, alors on peut pas dire bourgeois parce qu'il n'était pas bourgeois, mais il y a des restes de bonne éducation chez Verlaine ? Non, je veux dire qu'il a une exigence d'artiste qui est immense. Et il a une rigueur d'artiste qu'il conserve jusqu'au bout. Et cette rigueur d'artiste, on ne la comprend pas, parce que il ne transige pas sur le vers. Il invente des choses extraordinaires et peut-être indépassables, sauf à abandonner le vers et à passer dans une autre logique, ce qu'a fait la poésie après Verlaine. Mais dans le cadre de la prosodie française, il a vraiment inventé une sorte de perfection, mais de perfection paradoxale, parce que c'est la perfection de la simplicité et de la naïveté. Et d'une fausse naïveté, évidemment. D'une fausse naïveté, parce que d'une poésie qui veut aller au fond de l'intime. Et c'est ça que je trouve extraordinaire chez Verlaine, c'est que on entend dans sa poésie le grain d'une voix, la modulation d'un chant, d'un souffle, dont il faut bien dire qu'il est ineffable. Mmh. Et par là, je veux dire un souffle où les émois humains, qui sont inscrits dans notre chair, sont restitués à leur complexité indépassable. Dans un mélange d'affects enchevêtrés, qui disent quelque chose d'indécis et de précis. Ce qui est précis, c'est le vers. Ce qui est indécis, c'est ce qui vient de l'âme, ou qui vient de la chair aussi bien, et qui crée cette délicieuse ambivalence de la poésie de Verlaine. Merci beaucoup, Pierre Glotte. J'invite donc nos auditeurs à oublier tout ce qu'on a dit cette semaine et après cette émission, à se replonger dans le texte, rien que le texte. À très bientôt. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec Guy Goffet pour parler de Paul Verlaine à l'occasion notamment du 20e Printemps des Poètes qui se tient en ce moment et jusqu'au 25 mars sur le thème de la beauté un peu partout en France. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend. Et mon cœur, transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Is it the girl in the street? Is it the ones that you never meet? Un extrait de mon rêve familier du recueil toujours des poèmes saturniens, lu par Vincent Deboire et relu parallèlement par vous dans ce studio. Guy Goffet, vous le connaissez par cœur et vous le récitiez en même temps. Les auditeurs n'ont pas eu la chance de l'entendre, mais nous, oui, dans ce studio. C'est un des poèmes que vous préférez ? Je m'en suis beaucoup servi. Servi, vous voulez dire dans votre vie ou dans votre... Oui, oui. Quand on n'a rien à dire, parfois, on récite des poèmes. La conquête des jeunes filles, ça m'est arrivé, voilà. Ouais. Puisque vous voulez de l'autobiographie, mais... Non, on n'en veut pas particulièrement, mais si vous voulez nous dire des choses. Je voudrais redire ce que je viens d'entendre, professeur. Pierre-Claude. J'ai trouvé ça très, très juste. Très juste, et j'opine complètement. Pour moi, le génie de Verlaine est... Bon, il ne s'agit pas de comparer un poète à l'autre, mais c'est vrai que comme c'est toujours Rimbaud qui fait de l'ombre à Verlaine. Non, je pense que Verlaine est un génial poète. Mais vous dites jusqu'à la fin, la même chose. Malgré des poèmes. Que Pierre Glaude sur le côté correct, quand vous dites il n'était par ailleurs pour deux sous, plutôt bonhomme et généreux en diable, un convive agréable et courtois. Bon, ça c'est le côté correct. Tant que l'alcool ne produit pas sa dévastation. Vous savez, l'absinthe, qui a été longtemps interdit, a raison, avec raison d'ailleurs, parce qu'il faisait des dégâts quand même, on le sait. Vous avez lu Germinal, on a lu les livres de Zola, etc. Cette époque-là, l'alcool, l'absinthe était dévastatrice. Bon. Alors dans Mon rêve familier, il y a ce vers que vous connaissez donc par cœur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Alors comment le lisez-vous? Et puis est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je crois que si, que c'est du côté des femmes que son malheur est venu, Guy Goffet? On ne peut pas dire que c'était un grand cavaleur. Verlaine, les femmes, il en a connu exactement trois ou quatre qui sont dont on se souvient, qui étaient parfois des prostituées. Mais il n'y a pas que le côté cavaleur, il y a aussi sa mère, par exemple. Est-ce qu'il n'a pas été trop choyé? Ah, il est bien certain que. Et, vous savez, le rapport entre Rimbaud et Verlaine que je faisais toujours, c'est que Rimbaud et Verlaine n'ont pas de père. Comme beaucoup d'écrivains, d'ailleurs. Ils ont des mères. Ils ont des mères. L'un a une mère qui est extrêmement sévère. D'ailleurs, elle le porte dans son nom, Madame Cuif. Et l'autre a une mère qui est consacrée à son fils, qui est dévouée à son fils. Une mère qui le couve, qui le gâte. Donc trop, c'est ça que vous voulez nous trop, dire? Trop, bien sûr, trop. Voilà. Il disait « je suis féminin ». Je suis un féminin. Je suis un féminin, c'est vrai. Oui. Il l'a dit à son ami Casals, le photographe. Oui. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, chez Rimbaud, en tout cas. Chez Verlaine, oui. Ça c'est certain. Alors que chez Rimbaud, il y a quelque chose de cassant. C'était un personnage pas toujours recommandable, je pense. Si on va du côté de la biographie, lui-même le disait. Je ne suis qu'une petite crasse dans la chaussure. C'était la rimbe. Oui, d'ailleurs, regardez les noms qui se sont donnés. Mais ça, c'est encore la biographie. Pour revenir sur le texte, je trouve que Verlaine est admirable. Voilà. Je ne connais pas dans la poésie française, peut-être. D'ailleurs, il n'y a pas de suite chez Verlaine. Après lui, personne. Sinon, peut-être un peu Apollinaire. La magie d'Apollinaire. Cette façon d'écrire avec une sorte de virtuosité simple, naïve, qu'on retrouve chez Verlaine. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, vous allez éditer, par exemple, des poèmes de Lucien Becker. Alors, je ne compare pas. Non. Mais il y a quand même des poètes. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes un poète, Guy Goffet. Oui, enfin, bon. Est-ce que Verlaine, il compte aujourd'hui dans la poésie contemporaine? Est-ce que les poètes parlent de lui comme d'une référence? Je pense que il est lu peut-être, mais certains ne veulent pas dire qu'ils sont des adeptes de Verlaine ou qu'ils aiment Verlaine. On préfère dire Rimbaud. Ah, oui. Il y a quelque chose dans le mythe de Rimbaud, voilà, le personnage un peu désagréable, violent, qui va avec le siècle. Alors que Verlaine, il y a quand même la tendresse, un frisson d'eau sur de la mousse. Verlaine, c'est la tendresse. Je pense que c'était un type très très très doux, très gentil. Pierre Glaude, simple. Vous s'interrogerez bien là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois en effet. Alors, s'il fallait parler de Verlaine lui-même, moi, ce qui me frappe chez lui, c'est que il y a une sorte de fragilité constitutive du moi. Oui. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que c'est le féminin en lui. Mais il faut faire attention aux généralités. Voilà. C'est lui-même qui le disait. Oui, se sentait mais ça. Plutôt que de verser dans les genres ou la question du genre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette sorte de fragilité constitutive du moi verlainien. Que Rimbaud n'aurait pas. Alors, il me semble beaucoup plus. Mais est-ce que c'est pas simplement parce qu'il est plus jeune et que par cela même, il a plus de certitudes? Il a été l'homme des décisions radicales, tranchées. Il y a quelque chose de fulgurant, c'est la jeunesse, une énergie, oui, bien sûr, bien sûr. Il s'est battu toute sa vie. Oui. Il s'est battu contre sa mère, pas Verlaine. Verlaine. Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé. J'ai tout revu, l'humble tonnelle de vignes folles avec les chaises de rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin et le vieux tremble se plaint sans piternelle. Les roses comme avant palpitent. Comme avant, les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'est connue. Même j'ai retrouvé debout la Velléda, dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle, parmi l'odeur fade du réséda. Des auteurs sur France Culture et ce poème Après trois ans, lu par Michael Lonsdal. Celui-là aussi, c'est un des poèmes que vous aimez, Guy Goffet ? Pas particulièrement. Non, je le connais mal. C'est il bien y a des dire tas aussi de poèmes qu'il y en a de Verlaine que je n'aime pas. Des tas de poèmes, les poèmes, je dirais, un peu historiques, etc. Les dédicaces galants, parfois. Non, les poèmes galants sont très beaux. J'aime chez lui ce qui est fondamental. Je pense cette fragilité qui a été mise en valeur par le professeur. Je trouve Pierre que c'est... Claude. Oui, excusez-moi, je n'ai pas mémorisé monsieur votre nom assez vite. Alors je dirais monsieur le professeur. Voilà. Non, mais il l'a dit très bien. Je pense que c'est vrai. C'est chez Verlaine, il y a cette fragilité. On la sent. Mm-hmm. Elle est constitutive. Monsieur le professeur. Oui, je vous en prie. Encore un mot. Il me semble que cette fragilité va aussi avec le besoin d'un cadre. Un cadre poétique, la prison, qui est aussi un cadre. Et d'une certaine manière, il est heureux en prison. Enfin, il est créateur, en tout cas, il est créatif. Oui. Puis il y a l'hôpital. Un peu comme Sade, finalement, qui n'était pas si malheureux que ça en prison. Enfin, qui a pu écrire ce qu'il voulait, qui était tranquille, d'une certaine façon. Il a besoin de... Enfin, il y a aussi quelque chose de régressif là-dedans. Hein, de... oui. Il cherche... Il y a quand même, jusqu'avec sa cousine, une sorte de fantasme maternel chez Verlaine. Hein, une sorte d'aspiration vers quelque chose de très archaïque. Mm. Qui est maternel et qui est fusionnel. Et qu'il va trouver chez les prostituées, en partie, et y compris jusqu'à la fin de sa vie, puisque finalement, il terminera sa vie avec deux femmes de mauvaise vie, de prostituées, une seule. Oui, une seule, c'est avec Eugénie Kranz, voilà. Mais en même temps, il y a mais eu... Il y avait Philomène Boudin aussi, quand même. Oui, c'est extraordinaire. Philomène Boudin, oui. Oui. Oui. Elle était jeune, elle était jeune, belle, alors que Jenny était petite et pas très belle quand même, pas très belle. Mais on les a pas vues, on n'a pas de preuve de ces choses-là. On sait qu'en tout cas, la rue Descartes était une rue où il fréquentait les deux, puisqu'il allait au 15 avec Philomène Boudin, et il a vécu au 35, où il est mort, je crois, avec Eugénie Kranz, dite Mimi Mouton, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Guy Goffet, des couleurs dans les poèmes de Verlaine, puisque votre livre, enfin l'un de vos livres sur Verlaine s'appelle Verlaine d'ardoise et de pluie. C'est quoi, c'est la couleur de l'Ardenne? Oui, ça c'était un peu pour le situer dans l'Ardenne, parce que tout le livre, je n'ai pas beaucoup donné de place au côté parisien, au côté. J'ai essayé de retrouver et à la fois ses ancêtres et ses aïeuls, et de le situer dans la Belgique, qui est quand même le retour à l'enfance toujours, là où il allait quand il était petit. Il allait dans ses jardins de Palisole, chez sa tante, voilà. Et alors quand il aimait, je crois que c'est Eugénie Kranz, il disait, ou alors c'est peut-être Philomène Boudin, « Que voulez-vous, lorsque j'aime, il me semble entendre les cloches de mon pays ?» C'est parce qu'elle avait un peu l'accent c'est de l'Est. C'est étrange de dire « mon pays » quand même. de revenir à mon pays. C'est vrai que pendant très longtemps, il n'avait pas d'identité, Verlaine. Il n'avait pas de papier d'identité. Et c'est tardivement qu'on lui a demandé un jour, je crois quand il est allé à Londres, il devait donner, déclarer une identité. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes belge ou vous êtes français? Et je crois que c'est à cause de Metz envahi par les Prussiens qu'il a choisi, finalement, à Nancy, de dire « je suis français ». Un peu comme vous, finalement, dit Goffet. Vous n'avez pas choisi, vous, si vous étiez belge ou français, vraiment. Mais moi, je suis né exactement sur la frontière, dans ce qui s'appelle la Lorraine belge, aujourd'hui. Et je continue à être ce que j'étais enfant. Quand je passais la douane qui n'existe pas, qui n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque elle n'existait pas, parce que quand vous êtes dans l'herbe de la prairie, il n'y a pas de frontière. Donc vous êtes à la lisière, c'est un mot que vous aimez bien ça, lisière, oui. Il y a un de vos poèmes qui s'appelle « L'adieu aux lisières » et c'est un mot verlainien également. Oui, mais je donne beaucoup de... Vous savez, ce qui m'a attiré chez Verlaine aussi, c'est ceci. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les critiques, quand ils parlent de ma poésie, disent que j'ai un ton verlainien, alors que je n'ai jamais lu Verlaine. Mmh. Et c'est vrai, quand j'ai fait Éloge pour une cuisine de province, La vie promise, etc., on me disait, mais c'est verlainien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a de verlainien là-dedans? Et vous avez trouvé, finalement, après avoir passé cinq jours à lire Verlaine Joanny dans une bibliothèque du Canada? Une grande simplicité et une grande naïveté, je pense. La simplicité, voilà. Pierre Glaude, la naïveté, c'est deux termes que vous reprendriez pour qualifier Verlaine et son œuvre. Oui, complètement. Je crois qu'il y a, un mot le dit dans les titres de Verlaine, romance. C'est un genre ancien, simple. Ce sont des textes extrêmement minimalistes. Ce sont des textes souvent naïfs et qui ont une profondeur ineffable, exactement comme la poésie de Verlaine. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs comment vous aviez découvert ce poète et si Rimbaud, comme pour beaucoup de nos intervenants qui nous l'ont souvent dit, avait fait écran pour vous à sa compréhension ou en tout cas à l'envie de le découvrir. Non, pas du tout. Pour ce qui me concerne, bon, j'ai lu Verlaine quand j'étais enfant. Enfant? Oui. On peut le lire à tout âge? Oui. Et oui, il me semble. Je ne lisais pas les textes amis. D'ailleurs qui ne se trouvaient pas dans les éditions savantes ou autres même. Mais je trouvais cette. Moi, j'étais frappé effectivement par la lisibilité apparente de la poésie de Verlaine et par la résonance que j'en trouvais dans ma propre sensibilité. Et contrairement à beaucoup, j'étais moins fasciné par Rimbaud que par Verlaine. Est-ce qu'il n'est pas plus accessible, en effet, Verlaine, que Rimbaud, dans le sens où le sujet, et pardon d'utiliser ce terme-là, tout de même affleure assez immédiatement dans ses poèmes, et donc il y a plusieurs moyens d'entrer, ce qui n'est pas le cas toujours dans les Illuminations, par exemple, de Rimbaud. Oui, parce que chez Verlaine, le sujet lyrique n'est pas totalement aboli, pulvérisé, renouvelé. Il y a une voix, et donc il y a là une entrée dans la poésie qui est peut-être plus accessible, plus simple que dans les Illuminations, qui sont un véritable bouleversement. Oui. Mais ce qui est intéressant justement chez Verlaine, c'est que ce sujet se défait. Il est évanescent et il est restitué à une sorte à la fois de porosité et d'ambivalence fondamentale qui fait que il conserve une opacité très grande et fascinante. Guy Goffet, qu'est-ce que le poète souhaite répondre au professeur? Ce qui m'a toujours troublé, c'est de voir que c'est Mallarmé qui trouvait que Verlaine était le grand poète. Il lui reprochait seulement de ne pas faire le livre. Pas en faire un livre, le livre, c'était le côté. Mais c'est lui qui va faire l'éloge funèbre de Mallarmé. Donc enfin, ils sont plusieurs, il y a Barrès, il y en a d'autres. Mais bon, que ce soit Mallarmé. Donc c'est la modernité. Verlaine, immense. Ouais. On ne les met pas ensemble, on ne les accole pas. Quand on voit l'œuvre de Mallarmé et l'œuvre de Verlaine, on ne voit pas. Eh bien, si, Je crois qu'il y a cette pureté chez Verlaine, une pureté fondamentale que nous ressentons tous. Il faut relire les deux en parallèle. Merci beaucoup, Guy Goffet. Je rappelle que vous êtes écrivain et poète. On peut lire de vous chez Folio les livres Verlaine d'Ardoise et de Pluie et aussi L'autre Verlaine, votre dernier recueil Petit Rien pour Jours Absolus, apparu chez Gallimard en 2016. Et vous avez été, je ne l'avais pas dit, en 2010 lauréat du Goncourt de la poésie pour l'ensemble de votre œuvre. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Ludovic Auger. N'oubliez pas de vous renseigner sur le site du Printemps des Poètes pour connaître les événements programmés près de chez vous. Et puis ce soir, si vous êtes au salon Livre Paris, ne manquez pas l'enregistrement de La Compagnie des Poètes de Manu Farine à 20h avec comme invité Jacques Darras. Tout de suite, la poésie encore et toujours sur France Culture avec cette fois Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Il y a cohue au purgatoire. On se presse et pas le temps de trop s'arrêter dans les montées. Accrochez-vous à la corniche. Le purgatoire de Dante, traduit par Daniel Robert. Oui, une foule excitée, tout comme l'Ismène et l'Azope ont vu la nuit sur leur bord quand les Thébains sollicitaient Bacchus. Et Dante nous dit qu'en courant se déroulait la longue caravane, et deux d'entre eux criaient et pleuraient devant. « Dis-nous comment au soleil tu fais écran, comme si la mort ne t'avait pas encore fait entrer dans ses filets. » Dante est sur le point de se faire découvrir, mais là, il voit une foule arriver. En sens inverse, là, je vois des deux côtés empressés, toutes les ombres s'embrasser une à une, joie d'une brève fête sans s'arrêter. De même, au sein de leur cohorte brune, se bécotent l'une l'autre les fourmis en quête de leur route ou de leur fortune. Dans quel péché se trouve-t-on là? Chacun fait surenchère de cris, les nouveaux venus, Sodome et Gomorre, les autres, dans la vache entre Pasiphae pour que le taureau sa luxure honore. Et c'est un tollé, la luxure. Moi qui deux fois avais vu leur souhait, je commençais, ô vous, âme si sûre d'avoir quand il faudra l'état de paix, mon corps n'est pas soit trop vert, soit trop mûr resté là-bas, mais ici tel quel, avec son sang et avec ses jointures. Pour ne plus être aveugle, je monte au ciel, une dame est là-haut qui a permis que passe en votre monde mon corps mortel. » Et parfois, Dante, il faut le reconnaître, fait des boulettes. Dites-moi, dans mes vers, je vous citerai, qui vous êtes et qui est ce troupeau qui s'en va en direction opposée. Le montagnard n'est pas autrement sot quand il contemple, troublé et muet, la ville où il entre tel un rustaud, que toutes ses ombres le paraissaient. Elles sont stupéfaites, mais elles vont pas le rester. Et nous nous approchons de Béatrice dans un nuage de fleurs, sous un voile blanc couronné d'oliviers. De tout mon sang, pas une goutte ne reste sans trembler. Les traits de l'ancienne flamme je ressens. Mais, dit Dante, Virgile nous avait délaissés. Dante, parce que Virgile disparaît, ne pleure pas encore, ne pleure pas, lui dit Béatrice. C'est d'un autre coup que tu dois pleurer. Tel un amiral arpentant pas à pas poupe et proue pour voir ses hommes affairés sur les vaisseaux, les pousser au combat, sur le côté gauche du char dressé à l'appel de mon nom, me retournant, ce que je note ici par nécessité, je vis la dame apparue auparavant sous la liesse des anges, voilée, me dévisager par-delà le courant. Regarde-moi, c'est moi. Bien moi, Béatrice, comment as-tu osé gravir ce mont? Ne savais-tu pas que c'est lieu de délices? Jacques Bonafé, merci.